بسم الله الرحمن الرحيم. الآن سنخوض المسألة الثالثة والثلاثين 33 مسألة في قوله تعالى وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ Et n'épousez pas les mushrikates, les associatrices, jusqu'à se mettre à croire. Tant qu'elles ne croient pas. Je dirais plutôt comme ça. Sourate al-Baqara, verset 221. قال المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية تدل بظاهرها على تحريم نكاح كل كافرات ويدل لذلك أيضا قوله تعالى ولا تمسكوا عصام الكوافر وقد جاءت آية أخرى تدل على جواز نكاح بعض الكافرات وهن الحرائر الكتابيات وهي قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. Donc ce verset, dans son apparent, montre l'interdiction de se marier avec toute kafira. Toute femme qui soit kafira, il est interdit de se marier avec elle, comme le laisserait entendre la parole de ce verset. Également, comme dans la parole, dans le sens où il dit, et ne gardez aucun lien conjugal avec les mécréantes, c'est-à-dire une fois que vous avez divorcé obligatoirement. Sourate al-Mumtahina, l'éprouvé, verset 10. Et deux versets sont venus qui montrent la permission de se marier avec certaines kafirat parmi les femmes libres des gens du livre, c'est-à-dire les Nasraniya et les Yahoudiya. Par rapport à Allah dans le sens où il dit, et la nourriture, c'est-à-dire les sacrifices, les viandes égorgées de ceux qui ont lu le livre, vous sont permis, ainsi que votre nourriture leur est permise. Ainsi que les femmes chastes des croyantes, ainsi que les femmes chastes de ceux qui ont eu le livre. C'est-à-dire les femmes des Nasara et des Yahoud, les chrétiennes et les juives. Surat al-Ma'ida, verset 5. قال الجواب أن هذه الآية الكريمة تخصص قوله ولا تنكحوا المشركات أي ما لم يكن كتابيات بدليل قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك. Donc la réponse c'est quoi? C'est que ce verset où Allah dit de ne pas se marier avec les mushrikates, les associatrices et tout associateur est forcément kafir, cela a été spécifié par le fait tant qu'elles ne sont pas des kitabiyats. Les kitabiyats font exception à la règle. Donc ça s'appelle quoi? Un tarsis sur un texte âme. Le premier verset, il est général, toute mécréante, et l'autre, il est spécifique, faisant exception aux femmes des gens du livre. Et Ibn Jarir a rapporté l'unanimité sur ce point-là. قال وأما ما وري عن عمر من إنكاره على طلحة تزوج يهودية وعلى حذيفة تزوج نصرانية فإنه إنما كره نكاح الكتابيات ألا يزهد الناس في المسلمات أو لغير ذلك من المعاني. وقاله Ibn Jarir. Après, il soulève un point qui est le fait que Omar رضي الله عنه se sont mis en colère et réprimandé le fait que Talha soit marié avec une juive et que Hudayfa soit marié avec une chrétienne. Omar, comme l'a cité Ibn Jarir, ne s'est mis en colère que du fait que cela mènera à ce que les gens délaissent les muslimates, les femmes des gens de l'islam, qui fassent devancer les femmes des gens du livre sur les femmes muslimates qui seraient seules sans mari. Voilà pourquoi Omar s'est mis en colère et non pas du fait qu'il ait rendu cela illicite ou haram. Naam. هذا هو الجواب عن هذا فإلى هنا والحمد لله رب العالمين